Se souvenir se dit sich erinnern. Sich erinnern. Erinnern s'écrit E-R-I-2-N-E-R-N. Erinnern. Je me souviens se dira donc ich erinnere mich. Je ne me souviens pas, ich erinnere mich nicht. Ou ich kann mich nicht erinnern. Je ne peux pas me souvenir. Se souvenir de quelque chose se dira sich an etwas erinnern. Comment diriez-vous « je ne me souviens pas de cela » En allemand, « de cela » c'est « an das ».« An das » qui peut être contracté en « daran ».« Daran » qui s'écrit en un seul mot « daran ». D-A-R-A-N. Donc, comment diriez-vous « je ne me souviens pas de cela » Ich erinnere mich nicht daran. Ich erinnere mich nicht daran. Daran est donc la forme contractée de an das. De la même manière, auf das, sur cela, peut être contracté en darauf. In das, dans cela, en darin, s'il n'y a pas de mouvement, ou darein dans le cas contraire. Unter das, sous cela, peut être contracté en darunter. Et über das, sur cela, en darüber. Darüber, très bien. Mais pour se souvenir de quelque chose, il faudra dire daran ou an das. Alors, comment diriez-vous « je ne peux pas me souvenir de cela » Ich Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern. Et comment diriez-vous « je ne me suis pas souvenu de cela » Pour « souvenu », on a la forme « erinnert ». En effet, lorsqu'on plonge dans le passé de « erinnern », on trouve « erinnert ». « Erinnert ». Donc, « je ne me suis pas souvenu » se dira « ich ». « Ich habe es ». « Sich erinnern » est un verbe en « sich ». Donc on a Ich habe mich daran nicht erinnern. Habe vous fait plonger dans le passé. Erinnert. Ich habe mich nicht daran erinnert. Et de nouveau, comment diriez-vous je ne peux pas m'en souvenir. Je ne peux pas me souvenir de cela. Ich kann mich nicht daran erinnern. Bien. Ich kann mich nicht daran erinnern.